Un script pour le sketch ou... Non, j'ai décidé d'improviser. La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Bonsoir et bienvenue dans Improlix, le podcast d'impro francophone. Je suis Fabien et vous allez entendre un match d'impro audio, ou catch d'impro pour les connaisseurs, avec du beau jeu et des improvisations avec thème imposé. Étant le seul à animer cette émission, je prendrai le rôle d'arbitre. Je compterai les points, je sifflerai s'il y a faute, mais bon, j'ai pas de sifflet, donc on verra. Vous pourrez me huer, les chers joueurs. Et donc, dans ce premier épisode, quatre merveilleuses personnes vont s'affronter aujourd'hui. Nous avons Anaïs. Bonsoir, Anaïs. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, très bien, merci. Alors, à chaque épisode, nous allons apprendre un peu plus sur nos invités. Alors, quelle est ta couleur préférée, Anaïs ? Ma couleur préférée, j'aime toutes les couleurs, mais si je devais choisir, je dirais que je préfère le bleu, parce que j'aime toutes les nuances de bleu. C'est pas okay. Et nous avons aussi Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, ça va la forme ? Ouais, ça va. Quelle est ta saison préférée ? L'automne, toute cette variété de couleurs, magnifique. Ah, donc tu dois être bien content alors, oui. Actuellement. Et à côté, nous avons Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Fabien. Alors, quel est ton animal préféré ? Le dahu. Le dahu, ouais, d'accord, le pourquoi dahu. Parce qu'il est très attentif et très câlin. D'accord. Et enfin, Fabrice. Bonsoir, Fabrice. Bonjour. Moi, je pense aussi à ceux qui nous écoutent le matin. Eh, c'est très bien. Ouais. Bien ou bien ? Ça, c'est ma question. Oui, non, d'ailleurs, est-ce que ça ah, va ? Ah, c'est est-ce pas ma ça... question. J'ai dit ça va à tout le monde, donc okay, est-ce que ça va ? Ouais, bah, plutôt bien. D'accord. Et donc, Fabrice, quel est ton virus préféré ? Il y en a tellement, je les aime tous en fait, mais si j'en choisirais un, je dirais la grippe. La grippe, d'accord. Ouais, parce qu'au moins tout le monde est chaud. Et ben on en sait désormais un peu plus sur nos invités, et donc vous allez à présent devoir créer des équipes, et pour cela on va devoir choisir les capitaines d'équipe, donc il va y avoir deux équipes de deux. Donc j'ai pensé à un petit jeu pour vous départager, donc le jeu est le suivant, vous devez imiter le mieux le père Foura. Donc, on va écouter dans un premier temps Nico. Bonsoir. Comment ça, c'était Chirac. Un hommage à lui, si je nous regarde là-haut. Bonsoir. Bien, non, je sais pas faire le père Foura. D'accord. J'aurais pu faire la boule, mais pas le père Foura. Il parle pas beaucoup. Bonsoir. Ensuite, Stéphane. Cher coéquipier. Vous devrez maintenant trouver l'ultime clé pour délivrer tout ce trésor. Pas mal du tout. Anaïs. Oui. Oui, mes chers amis, pour accéder au trésor, vous allez devoir résoudre une énigme. Et l'énigme est la suivante. Et enfin, Fabrice. Vas-y, passe partout, chope la clé partout, et balance-la par la fenêtre. Bon, je crois que Stéphane, c'est le grand vainqueur. J'en demandais pas tant, merci. Et le second, vous en pensez quoi, le second ? On a le choix entre Chirac. Moi, je dirais que Anaïs était pas mal, finalement. On a comme capitaine d'équipe, du coup, Anaïs et Stéphane. Mais je voulais pas être capitaine, moi. Donc, Stéphane... De toute façon, tu commences, toi, tu prends juste le restant. Je vais prendre celui qui se place le plus près de moi. C'est là, parfait, là. Ça sera plus simple, il n'y aura pas de changement. Comme dans les vrais matchs d'impro, et ben vous allez représenter une ville. Et donc, la ville en question, et ben vous allez la piocher dans ce chapeau. Alors, c'est une ville par personne ou une ville par équipe ? Non, c'est une ville par équipe. Le mec, il a rien compris sur le principe d'équipe. Non, mais je comprends vite, faut juste m'expliquer mon temps, quoi. Vas-y, ferme les yeux. Allez, attrape. Mais je ferme les yeux et c'est toi qui pioches. choisis bien. Mais alors, qui tient le chapeau ? Voilà. Moi, j'aime pas trop. Alors, c'est... qui c'est ? On peut dévoiler le. Je peux dire ce que je veux. Vas-y, en fait. Vas-y. Béthune ou Dunkerque ? Vas-y, c'est quoi ? Rochefort-en-Terre, d'accord. Ah, vous connaissez Rochefort-en-Terre ? Ouais. C'est vrai ? C'est à côté de Rochefort, non ? Je sais pas. J'ai pris Moi, je suis honnête, je ne connais pas. C'est dans quel département, Rochefort-en-Terre ? Je ne sais pas. Est-ce que tu veux... Si c'est à côté de Rochefort, ça doit être en Est-ce Vendée. Est-ce que tu veux piocher ? Je mettrai l'information dans la description. Mais non, ça, t'es sûr ? Ferme tes yeux. Allez, regarde. Vas-y, j'ai quelque chose. Alors nous, c'est Beaujeu Saint-Vallier. Alors nous avons donc du coup Rochefort sur terre. En terre, pardon. Ouh là là. C'est Rochefort en terre. Et face à Beaujeu Saint-Vallier. Vous allez devoir un peu présenter votre ville. 17 000 habitants, tous troglodytes. Allez-y. Oui, une cité médiévale. Hein. Mmh. Mmh. Fondée en 821, au mois de septembre. Oui, oui. Là, on a des connaisseurs. Mmh. Tout à fait. Dès le matin, je crois. Hein. Ils s'y sont mis, je crois. Hein. Ouais, ils avaient commencé vers 6h le matin. Mmh. Et... De l'autre côté, nous avons les habitants de Beaujeu, qui représentent Beaujeu, en tout cas. Donc, présentez un petit peu votre ville. Bah, Beaujeu Saint-Vallier, c'est une ville réputée pour sa pétanque, où ils font énormément de beaux jeux. Généralement en 11 ou 13, quelque chose comme ça. C'est à côté de Mauvais Saint-Rodolphe, très belle ville de France. Beaujeu Saint-Vallier, oui, il fait tout le temps beau là-bas. Ça a été élu la ville la plus ensoleillée de France, avec pas moins de 388 jours par an. Eh ben, je checkerai si tout ça est vrai. Wikipédia. Il y a un fil rouge dans cette émission. Vous allez piocher aussi, secrètement. Je vais regarder si mon t-shirt, il se défile, je sais pas. Vous allez piocher chacun, par contre. Ah, mais il y a deux chapeaux. Oui, il y a deux chapeaux. Il y en a même trois. Un mot. C'est un bonnet. Secrètement, oui, vous allez piocher secrètement un mot. C'est mon bonnet avec le petit pompon. Voilà, vous allez prendre connaissance de ce mot et en fait, vous allez devoir le placer intelligemment à un moment dans le podcast. Faut pas le montrer aux autres. Faut pas montrer ce mot aux autres. Faut montrer que à vous. Ouais. Que à toi. Que non. À toi. Là, c'est plus par équipe. Voilà. Moi, parce qu'en fait, si vous réussissez à le placer de manière originale, vous marquerez des points supplémentaires. Ah, mais alors, si on pense qu'il a dit le mot. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire un buzz ou un truc comme ça et de remporter un point petit... peut-être soulevé, mais si ça ne vient pas empiéter sur l'impro. Ah, ça veut dire que le mot, faut le faire passer pendant l'impro ou en dehors de l'impro? N'importe quand. En vrai, par contre, faut pas juste dire genre tunnel ou un truc comme ça. En fait, à la fin, on débriefera, c'est dur à dire. Okay. Et si vous les avez placés, vous marquerez des points. À les placer, parce qu'en plus, on va repiocher. Non, mais parce que vous en avez deux par équipe, on va dire. Ah. Ah oui. Mais c'est. Ah, il y en a un chacun, mais deux par équipe. C'est ça. Bah oui, du coup. Donc, c'est parti pour la première improvisation de nature comparée. Une durée de environ 3 minutes. Catégorie libre, vous faites ce que vous voulez. Et le thème, c'est mon premier jour ici. Je vais déjà lancer la pièce pour savoir qui c'est qui commence. Alors, moi, juste une question, parce que je pense que je suis peut-être pas le seul. Ça veut dire quoi, l'impro comparée? Tout à fait. Donc, je vais expliquer. Une impro comparée, du coup, c'est que vous allez faire... la première équipe choisie va faire l'impro, et la seconde équipe va faire la même impro, sur le même thème, mais à leur sauce. Et du coup, on va comparer ces deux impros, et la meilleure des deux impros marquera le point. Ah, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse vraiment le même texte et tout? Non, pas du tout. Voilà, je vous l'apporte. Par contre, vous pouvez... T'es mal barré avec un petit comme ça. Mais non. Mauvais choix. ne dites pas du mal de mon coéquipier. C'est très intéressant de poser la question, parce que je suis sûr que les auditeurs ne sont pas au courant. Voilà, vous allez avoir le même thème. Par contre, vous pouvez partir dans des directions totalement opposées et proposer la meilleure des impros. Pile, on va dire que c'est l'équipe de Rochefort en terre, c'est vous. Ouais, parce que faut pas confondre les Rochefort et les Rochetterrois. D'accord. Ok, très bien. et l'équipe face, on va dire que ça, c'est Beaujeu Saint-Vallier. C'est ça. Donc c'est parti. Donc, équipe, donc Pile, donc c'est vous. Donc, est-ce que vous prenez la main ou vous la laissez à l'équipe? Ah, on prend la main. Allez, on la prend là, allez, c'est parti. Est-ce que vous voulez vous concerter un petit peu ou on part direct? Mais c'était parce quoi le thème déjà? Bah, alors, je crois qu'il l'a pas dit. Il l'a pas dit. C'est mon premier jour ici. Ah, si. Donc, je vais vous laisser, on va dire, 20 secondes de dissert. Vous avez le droit de parler dans les micros, ça peut être intéressant aussi de voir la dissert. Bah c'est non, parti. Non, on parle pas dans les micros. Ah bah alors, secrètement, je chuchote. On parle avec les mains pour pas qu'ils comprennent. Et vous aussi, hein, parce que vous aurez pas de dissert. C'est vrai. Nous, on peut comprendre. Je crois qu'on est prêt. Avec les mains. Vous êtes prêts? Alors, s'il vous plaît, attention. Attends. L'équipe va jouer. C'est parti. C'était intimidant ta première fois, toi? Oui, quand même. Ouais. Quand même. Bah, ils étaient tous là. Ah ouais, moi j'aime pas quand ils regardent. temps, ils étaient venus pour regarder, justement. Ouais, mais c'est gênant, quand même. Quand tu étais là, t'es tout seul, et ils regardent, et... Alors, t'es tout seul, mais ils sont tous en face de toi, quand même, à ce moment. Oui, mais il y en avait un tout nu. Alors, ouais, d'accord, il était tout nu, mais en même temps, hein, c'était pas trop prévu, quoi. Ça, on l'avait pas prévenu. Moi, je me mets à sa place, hein. On me dit pas, j'arrive, je viens tout nu, hein. Ouais, ben, il avait peut-être pas eu le temps d'enfiler son costard. Ou il avait pas de costard. C'est vrai que tout le monde n'a pas de costard. Non. Toi, t'en avais un, toi. Ah, mais oui, mais moi, je le savais. Moi, on me l'avait dit avant. Bah, évidemment, t'étais l'invité principal. C'était pas toi ? C'était un peu nous deux, en fait, quoi. Ouais, c'était un peu nous deux, quand même. Et les gens étaient là pour nous, quand même. Bah, oui, et puis notamment le journaliste. Oui, alors lui, dis donc. Oh, oh là là là là, il nous a pas lâché de la soirée. Bah, en même temps, on lui demandait qu'il couvre l'événement. On a eu le droit à notre double page dans le journal, quand même. Ah oui, mais pour nous couvrir, il nous a bien couvert, hein. Il nous a fait découvrir aux autres. Rappelle-toi l'enjeu. Hein, c'était quand même de se faire connaître des autres. On venait de nulle part, on voulait s'intégrer. Fallait bien créer un petit événement, le couvrir médiatiquement. Et puis, ça a marché quand même. Les gens ont répondu présent. Oui, ça c'est sûr. Et puis, c'est sûr que pour une première fois, 400 personnes, c'était un peu beaucoup. Ouh, 10 secondes. Hein, 10 secondes. Et oui, donc nous étions le premier couple pédophile. Oh, la chute, c'est terrible! Bah, bravo! Tout publié! Il me faut le timing parce que c'est vrai. Trop... C'est vrai, faudrait que je mette voilà, un timing. Une grosse horloge ici, là, ça serait pas c'est mal. C'est vrai, faudrait améliorer ça. Non, mais sinon, toutes les minutes. Ou les... Il y avait pas 3 minutes? Si, il y avait 3 minutes. Aussi, je suis tout à fait. Mais c'est en moyenne parce que moi, là, j'étais à 20h43 et j'ai attendu que ça se... Oh là là là là voilà. Première réclamation, monsieur l'arbitre. Ouais, il n'y a pas de chronomètre. Des comptes horaires aléatoires. Donc, pouvant mener à une... Sers-toi de ce téléphone comme d'un... Chronomètre, si parce que c'est... Moi, je trouve ça vachement dérangeant de passer après parce que, en fait, limite, il te donne des idées ou autre. Ah ouais, et ben, faut voir si vous avez trouvé des meilleures idées. Tiens. Ok, ça marche. Mais le coup du pédophile. Fallait une chute. On l'a trouvé dans les 6 dernières secondes. En fait, du coup, il y en a un qui est tenu, qui était complètement dans le thème. C'est déjà ma première fois ici, c'est ça ? C'est ma première fois ici. Est-ce que vous êtes prêts, du coup ? Non, mais on va faire comme si. Attention, c'est. Alors, est-ce que c'est pas le but du jeu aussi de ne pas être prêt ? Si. Le chrono. Alors, ma chère demoiselle, comment vous trouvez ici cette première fois au plein cœur de cette ville splendide ? Ah bah, c'est magnifique, c'est très dépaysant, hein. Ça change de ce que j'ai l'habitude, mais c'est beau, ça me plaît. C'est vrai que cette cérémonie est très plaisante, hein, avec tous ces clowns, ces cracheurs de feu. Nous avons aussi un dragon qui vole, mais attention pour le public averti, c'est juste un dragon en ballon. Ah, oh, c'est vrai, il n'est pas vrai ? Non, ah, non. Parce qu'il est vachement bien imité, hein, les écailles et tout. Moi, j'y ai cru, je suis un petit peu déçue. C'est vrai que Spike est vraiment bien fait. Ah, il s'appelle Spike, il a un petit nom. Non, mais comme dans le jeu vidéo, là, le petit truc violet. Ah, Spirou ? C'est Spyro. Ah, Spyro. Mm-hmm. Ouais, en même temps, qu'il s'appelle Spike ou Spyro, c'est non, pareil. Non, mais Spike, c'est son petit frère, en fait. Ouais. Bon, sinon, pour en revenir à cette fête somptueuse, nous célébrons quand même un grand événement aujourd'hui à Palavas les Bulles. Eh oui, Palavas les Bulles. Je découvre pour la première fois cet endroit et vraiment, c'est très très chouette. Il y a des bulles partout et puis il y a même des maisons en savon. J'ai très envie de les visiter, mais j'ai très peur de les casser. Enfin, de les faire exploser, quoi. Est-ce que vous pensez que je peux y aller ? En savon ? Ouais, bah ouais, là-bas. Ah, d'accord. Du moment qu'il n'y a pas d'eau à côté, je pense que ça devrait aller. Hein. Trop bien ! C'est trop génial ! Moi, j'y vais. D'accord. Je peux que vous suivre, parce que sinon... Oui, venez avec moi, bien sûr. Faites-moi visiter votre magnifique ville. Ah, oui, c'est vrai que je suis effectivement le maire, donc... D'où la cérémonie. C'est un peu mon anniversaire. Joyeux anniversaire, monsieur le maire! En fait, je suis, on va dire, un maire assez, assez présomptueux. J'adore que tout tourne autour de moi. C'est pour ça que j'ai réussi à débloquer un fonds colossal de 2 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour Palavas les Bulles, pour souhaiter mon anniversaire. Je le souhaite environ 2-3 fois par an. Vous ne le souhaitez pas, vous le souhaitez. Non, je le... Ouais, je le souhaite. Vous le souhaitez à vous-même, en fait. Oui, c'est toujours gratifiant d'être mis sur un piédestal, sachant que je n'ai pas l'habitude. D'accord. Donc il reste 30 secondes. Et... Ouais. Et... sachant que vous n'avez pas encore vu le clou du spectacle. Et c'est quoi le clou du spectacle? Ah bah ça, ce sera que à la fin de la partie. Ouais, d'accord. L'anniversaire dure environ 3 jours, j'ai même fait un jour férié. Bah vous savez monsieur, moi je suis un petit peu déçue parce que votre ville elle est magnifique et tout, j'adore, c'est trop beau, il y a des dragons, il y a des bulles et il y a des fleurs, mais les gens qui sont un petit peu trop narcissiques comme ça, moi j'aime pas, ça me met mal à l'aise, alors je crois que je vais préférer rentrer dans mon pays à moi. C'est fini, bravo. Merci. Eh bien c'était pas mal, franchement je mettrais un point pour beau jeu. Parce que... C'est pédophile les mal aimés. C'est de la discrimination. Mais c'est pas mal. Alors vous avez peut-être placé des mots, je ne sais pas parce que je ne suis pas au courant des mots que vous avez. Ah non, j'avais complètement oublié. Je l'attends pour quelque chose. Parce que pédophile, c'est j'aurais un tellement. C'était j'ai oublié. Alors peut-être que pédophile c'était un mot. Donc nous allons continuer. Avec une seconde improvisation, donc une improvisation mixte d'une durée de 3 minutes à la manière d'un débat à la radio avec nombre illimité. Donc tous les quatre, vous pouvez. Alors mix, ça veut dire. C'est les deux filles équipes et garçons. Les deux équipes mixte, ensemble. Mixte, ça veut dire du coup que les deux équipes peuvent jouer. Du coup, comment on détermine le nombre et de points? C'est celui qui a fait le meilleur jeu au sein de cette impro. Ok, donc faut couper la parole à tout le monde. Quoi. non, parce que si tu joues trop comme ça, il va dire que non, c'est trop. Enfin, faut laisser la place aussi. Faut laisser aussi voilà. Au jeu aux autres. Alors, donc c'est à la manière d'un débat à la radio. Oh. Et le thème, c'est la fin du monde. Donc je vous laisse un petit peu de concert. Combien pas de temps concert. Parce qu'en fait, tout le jeu tourne autour de ça. J'ai dit 3 minutes. Oh, 3 minutes. Ok. Ça 3 fait... minutes de radio, fin du monde. Ça va, c'est une fin du monde qui se passe assez vite quand même. Ouais, bah, généralement, en fait, par exemple, si tu prends la météorite des dinosaures, ils n'ont pas eu le temps de faire autre chose. Tu sais pas. Que quoi? Tu sais pas. C'est ça. J'y étais, monsieur, j'y étais. Si ça se trouve, ils m'ont vu arriver pendant 2 ans, ils sont préparés et tout, ils se disent, au cas où on s'en sorte. Juste une question, ça a commencé là ou pas? Bah non, pas du tout. C'était des idées pas trop mauvaises, je pense. Est-ce que vous êtes prêts pour. Non, mais non, on n'est pas prêts, on sait même pas qui fait quoi. Pour le jeu de radio, est-ce qu'on l'annonce ou est-ce qu'elle est en train de se passer? Faites comme vous voulez. On improvise. Il y en a qui est... C'est de l'improvisation, vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Cher éditeur, bienvenue sur Radio Fin du Monde. Pour lancer le débat sur ma gauche, nous avons notre cher navigateur. Bonsoir. Paolo, c'est comme ça que vos admirateurs vous citent. Exactement. 12 fois le tour de la planète en bateau. Paolo pourra nous citer toutes les expériences qu'il a vécues, notamment en lien avec la nature. Non, pas toutes. Je ne peux pas. Très bien. Du moins celles qui nous intéresseront. Ensuite, nous avons Thierry. Thierry, d'un milieu complètement différent. Thierry, quelle personne qui se revendique geek. Oui, et commando spécialiste de la survie en temps de zombies. Oui, effectivement. Voilà, Thierry parle un peu avec les zombies, il nous en dira plus tout à l'heure. Et enfin, à notre dernière invitée, Anaïs, ici présente. Pouvez-vous décrire votre expérience au travers du thème de la fin du monde, s'il vous plaît? Au travers la fin du monde, moi je me suis beaucoup impliquée à essayer de sauver des échantillons de plantes et de tout ce qui pouvait être dans la nature pour, pourquoi pas, si je fais partie des survivants, pouvoir replanter. Alors, j'ai fait des petites pousses. Et je les garde donc chez moi, dans mon sous-sol blindé. Voilà, je les fais pousser comme ça sous serre. Et je me suis beaucoup compliqué là-dedans. Voilà. Très bien. Qu'en pensez-vous, Paolo? Je les vois bien tes plantes, toi. Hein. Ouais. Je ne vous permets pas, monsieur. Après, bien sûr, ces plantes font partie, partie de la biodiversité, évidemment, mais je ne les fume pas. Thierry, que pensez-vous de cette démarche? Voyez-vous une perte de la biodiversité au travers de vos voyages? Est-ce que vous... qu'est-ce que vous pensez de cette activité de préservation des graines et plantes diverses? Non, vous avez bien compris, ça c'est de la foutaise. Préservation des graines, c'est surtout préservation de la fumette. Là, on est bien d'accord. Alors donc, moi je l'ai vu, la biodiversité, je l'ai prise en pleine gueule pendant 12 ans, la biodiversité, hein, à 12 degrés, à 25 degrés, de temps en temps à 60 degrés, mais je peux pas vous raconter. Alors moi la fin du monde, je peux vous dire que bah, quand vous êtes dans les océans, c'est déjà la fin du monde. Hein. Alors vos petits problèmes de terrien, là, ça me touche qu'à moitié. D'accord, donc vous, la fin du monde, ça reste quelque chose vraiment de très très très hypothétique alors. Je m'en tape le clitoris de la baleine. Excusez-moi, j'ai appris qu'il y avait une météorite qui allait s'écraser là. Il faut vite faire quelque chose. Bah, du coup, on va tous creuser un trou, et on va se mettre dedans comme les opossums, et qui, pour se protéger des prédateurs, se mettent sous terre. C'est une très bonne idée. Et oui. Il reste plus que 3 secondes et je commence à crater. Et bravo, franchement, bien. Finalement, à 4-3 minutes, c'est pas beaucoup. Ouais. Et donc là, franchement, vous avez tous bien participé. Mais je crois que je mettrai le point quand même à notre chère ville de Rochefort en terre. Rochefort en avant. Donc nous avons une égalité. Et ma tablette qui s'éteint à chaque fois. Donc, nous allons passer à l'improvisation suivante. Donc, c'est une impro mixte à 4 personnes, encore une fois. Mais c'est particulier. Heureusement qu'on est que 4. Car ça s'appelle... Là, on l'a fait à 5, à celle d'avance. Car ça s'appelle le perso des autres. Donc, vous allez piocher dans le dernier chapeau. Parce que j'ai tellement de chapeaux. C'est un bonnet, en fait. Et là, vous allez piocher un personnage que vous allez devoir jouer. Et les autres vont devoir deviner le personnage en question. Des autres. C'est et vous allez marquer un point si vous allez deviner. Et aussi, il y aura un point pour le meilleur jeu, tout ça. Petit rappel, nous avons toujours le jeu du mot à faire passer. C'est ça. Ah, c'est vrai. Vous connaissez votre personnage? Donc, on... Moi, j'ai perdu oui, mon papier. Je connais mon papier. Ah, mais non, c'est... Je te jure, j'ai plus mon papier. Ah bon, bon la non, prochaine fois, je garde le mien, cette fois. Il est par terre, mais SMS, je vois fait. Pas de là. Vas-y, ramasse-le. Ouais, mais j'ai perdu mon papier. Monsieur l'arbitre, rappelez-nous les règles. Donc... Donc, on va jouer ensemble et on doit se faire deviner qui là, on vous est. Allez jouer l'impro. Vous allez jouer le personnage qui est sur votre petite carte. Mais il faut qu'il y ait une interaction avec les autres personnages. Et... Voilà, c'est ça. Et donc, les autres personnages jouent aussi un autre personnage. Moi, j'ai une question. Et vous allez devoir deviner au moment de cette impro. Alors, chacun son personnage, aussi. Tout le monde parle en même temps. Et Non. Par exemple, nos deux personnages vont à un même lieu et ils discutent entre eux. Ils vont discuter. Et la façon mais dont ils se parlent, t'es censé reconnaître... La façon dont ils se parlent oui, alors, ou les bah, choses, tu peux pas les jeunes, il y a des indices. Alors, petite question, Anaïs. On doit être très explicite ou plutôt implicite? C'est un juste dosage pour que ça soit. Ça un dépend peu si du tu joues Clara Morgan. Non, mais complètement, il y a des choses où si tu le dis, t'es cramé tout de suite. C'est, ben, voilà. Oui, mais après, faut donner quand même des indices, faut jouer le jeu. Ouais, voilà. Okay. Donc, le thème de cette improvisation, je mets pas de temps, on va voir, je ferai défiler au bout d'un moment, j'arrêterai. En fait, c'est quand tout le monde a trouvé le personnage. Voilà, on va dire que c'est ça. Ça s'appelle. Ouais, mais on se le dit à la fin de l'impro, ouais, c'est ça. Le thème, au bout d'une heure, c'est... on le dit. Hein. Le thème, c'est l'émission de télé-réalité. Une émission de télé-réalité oui. Et notre personnage doit jouer dedans ouais. Bah oui, ouais. Et si vous voulez, je peux vous lancer. Ah ok, moi, on joue à Secret Story. Ici la voix, et nous allons nous retrouver dans le loft de nos chers... comment ils appellent ça? Clampins. Clampins. Tout de suite, nous allons les retrouver, c'est parti. Ils se réveillent tout doucement. Cocorico. Ah, tu es donc un coach. Non. Bref, bonjour à tous. Bonjour. Oh putain, j'ai mal dormi. Ah bah moi, j'ai un de ces mal de tête. Ah, ouais. Je me prendrai bien aspirine. Hein. Bah moi, d'abord, je vais me faire mon plat favori, c'est pain beurre Nutella. C'est pas trop calorifique, mais pour ce que je fais, en fait, comme je me dépense beaucoup dans mon travail, je suis obligé de prendre du muscle pour pouvoir être en forme toute la journée. Enfin, ça m'a pas mais je comprends, moi ouais. Aussi, je me dépense beaucoup. T'es sportif dans la vie? Oh, j'ai une activité qui est très sportive, tu sais, quand même. Il faut que j'y aille, il faut que j'envoie un peu, il faut que je sois un peu partout à la fois. Excusez-moi, je vous interromps, j'ai entendu un gros craquement, vous l'avez entendu ou pas? Ah ça doit être René qui doit être encore avec Camille. Ah. Ça fait depuis 3 jours qu'il reste dans la même chambre. Je pensais à quelque chose de beaucoup plus sourd. Oui, pas du tout. Vous n'y êtes pas. Je l'ai entendu aussi, ce craquement. Ah. C'est un peu flippant. Non, non, c'est quelque chose de bien plus profond. Je pense aussi. Ah. Il y a quelque chose qui est tombé du plafond. Ah, mais il fait un de ces froids de canard aussi ici. C'est clair que ça change de là d'où je viens. Il fait t'aurais pas bien un peu la chaud. Chair de poule, mon cher Fabien. Je sais pas ce que je fais là en fait. Je devrais retourner dans ma galaxie. J'étais bien. Tu es venu, enfin, tu veux qu'on te ramène en vélo ou pas du tout? À vélo, ça va pas être possible. Déjà qu'on arrive à sortir d'ici. Vous êtes enfermé, je vous rappelle. Alors, comme on est dans ces cristalleries, le seul moyen de sortir d'ici, à mon avis, c'est soit on bute quelqu'un, ce que je suis pas contre. Comme ça, on m'en va directement à la pièce. Si tu butes quelqu'un, tu peux sortir. Non, ça procurerait trop de perturbations, ne bute personne. Ou alors, tu te fais élire par. Tiens, retourne-toi. Il a assommé quelqu'un. Alors, soit il a assommé, soit il a des performances exceptionnelles. Aussi. Ouais, il faut donner un petit peu plus d'indices, je crois. Oui, je pense que là, on galère pas mal. Qui tu es? Putain, mais on est con, on aurait dû commencer par ça, en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vole beaucoup. Du coup, moi, je suis embauché plus pour te retrouver et te mettre en prison, d'accord. Ouais, vous volez, ah, non, ou vous volez rapt, ou volez comme les oiseaux. Fly. Ah. moi aussi, j'adore. Ouais. Qu'est-ce que t'adores ? On pourrait aller voler ensemble, là. J'adore voler, ouais. Alors toi, t'as la chair de poule, tu serais pas un alpiniste ? Non, mais il dit qu'il a froid, il entend des bruits sourds, donc froid en hauteur, il vole. Bon, et parle-nous un peu de ta jeunesse, toi. Oh, moi, ma jeunesse, en fait, j'ai été très tôt, mes parents ont été tués. Après, j'ai été embauché dans un... Enfin, embauché, forcé, dans une secte. Je me rappelle plus du tout du personnage que j'ai mis. Bah, faut que je donne des indices, mais sans trop en donner non plus. Hein. Ouais, mon but, c'est de gagner les 10 000 euros de ces cristaux, je vous rappelle. Alors, si les auditeurs ont déjà trouvé, à ce moment-là, bravo. C'est dans une secte particulière, pour des talents particuliers, en fait. Vous pouvez mettre vos commentaires pour savoir si vous avez tué. Je compatis, mes parents sont morts aussi. Moi, je suis même pas sûr d'en avoir vu. Après, vous dites que c'est plus dur à me trouver moi qu'à me trouver. Oui, mais donne des indices. T'as des parents, toi? Tu es Bruce Wayne. Oui, personne n'écoute. Oui, j'ai des non, parents. Non, mais si, moi, je vous écoute. Ouais, j'ai des parents. Ouais. T'as des parents, d'accord. Oui. Des bons parents, même. Hein. Ouais. Donc, comment pas... s'appellent tes parents? Papa, maman, putain, merde, ma mère, c'est qui? Bah, papa a une grosse usine. Et puis voilà. Fait vivre la famille. On est plutôt. Plutôt partagé. Dans la bourgeoisie. Oui. Vous êtes bien, ouais, voilà. Ouais. Toi, t'as pas eu trop de problèmes, quoi. Non, mais la vie roule pour moi. C'est pour ça que me retrouver comme ça ici. Avec vous, ça dénote un petit voyagé? Peu. T'as beaucoup voyagé, toi? Oui, je suis sur un des grands moments de mon voyage, là, justement. Ouais. Mais tu es jeune ou tu es pas jeune? T'es Phileas Fogg? Je suis plutôt jeune, oui. Un cœur à prendre, donc en pleine jeunesse. Titeuf? Bah ouais, c'est un cœur à prendre, donc il veut se faire Nadia depuis le début. Mais il a 11 ans. Et alors? Précoce. Allez, on va faire tourner un petit peu les indices. Ah bah, est-ce qu'il y en a qui ont... On change de personnage. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà trouvé les personnages des autres? Non. Ont des soupçons? Ah non, mais j'ai une petite idée, mais ça pourrait être tellement d'autres que je sais pas. Et ben on va continuer l'impro. Mais du coup, toi, tu voles, mais assez récemment, ou ça fait depuis des années que tu voles? Ah, depuis toujours, et puis je dors la tête en bas aussi. Ah, une chauve-souris, quoi, Batman, ouais. Quoi. Mais du coup, toi, t'as plus tes parents non plus. Mais en fait, je sais pas. Je sais même pas si j'en ai eu un jour. Ah, t'es peut-être Dracula ou quelque chose comme ça. Non. Du coup, t'es pas Batman. Si Batman, il a pas de parents. Il en a plus, du coup, il en a eu. Il en a eu. Merde, attends, on m'a pas dit. C'est l'origin story de Batman, même. C'est la mort. En fait, c'est pour ça qu'il est devenu Batman, en fait. Oui. C'est parce qu'en fait, c'est pas. Moi, je l'ai connu, il était déjà Batman. On n'a pas trop parlé famille. Bon, donc du coup, c'est Fabrice qui a trouvé le premier personnage, donc on va mettre un point. Déjà, après, ce sera des demi-points pour les autres. D'accord. D'accord. Des demi-points. Attaquons-nous à Jean-René, celui qui a une enfant joyeuse, qui se trimballe beaucoup, qui est dans le la fleur de thunes, là. Oui, mais justement... Bon, donc t'es pété de thunes, mais tu t'occupes un peu la journée ou tu dépenses l'argent à papa? Plutôt la seconde option, ouais. Ouais, tu dépenses l'argent à papa. Ah, juste une question, est-ce que t'es plus dessin animé du genre Picsou? Du genre t'es un... Ah non, je suis dans la vraie vie. Ah, t'es un vrai humain, quoi. Ouais, je suis dans la vraie vie. Ouais, t'es ouais. Sûr que t'es pas je ressens les éléments dans le froid, dans le... Tu quoi, tu ressens les éléments? Je ressens les éléments qui m'entourent. Ah, il est drogué. Alors, un mec qui est riche, qui est drogué... Vous êtes riche et vous ressentez les éléments qui vous entourent? Oui, disons que je suis sensible. Est-ce que t'as déjà je pris l'avion? Dans une fiction. T'as déjà pris l'avion? J'y suis sensible aussi. C'est drôle, tiens, tous ces points communs qu'on a tous entre nous, là. Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas le même papier? Tu as Non, je n'ai pas. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Non, voilà, je ne suis pas pété de thunes. Ah. Lui, vous avez elle, c'est Harry Potter. Elle. Non. Ah Batman, moi, je... peut-être que tu peux essayer de. Vous savez juste qu'on a complètement dérivé. Hein. Ben non, ouais. Non, on cherche toujours. Non, mais on est censé être dans une télé-réalité. Oui, mais on est dans le petit-déj, on discute. Il filme n'importe quoi. Moi, là, je suis toujours en train de bouffer ma biscotte. Hein. Oui, c'est vrai. Tu ne devrais pas manger autant de. Et je vais bientôt aller tuer quelqu'un, moi, c'est mon métier, bordel. Cela créerait une perturbation. Et t'es sensible aux perturbations, toi. Non, mais elle, c'est Skywalker. C'est ça. La force. C'est ça? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, hey, deux points. Deux points pour Bibi. Pour l'homme de 100 fois ni moi qui boit que des martinis. Ah bah c'est l'autre là. Et ouais. Mais merde. Mais dans le checker sans glaçon là. Avec des olives. Ah, ouais, exact. Ouais. Bah t'es lui. Bah t'es qui? C'est le copain à Sophie Marceau là. Alors je n'ai pas vu. Oh merde, je vois pas son nom, aidez-moi bordel. Sur ce que tu disais, donc du coup tu es allé dans une secte ouais. Petit, ouais, et c'est chelou, tes parents sont morts. Dans quelles circonstances, ils sont morts On s'en fout limite. Hein. Non, mais honnêtement, soit je sais pas. Non, c'est parce que ça aurait pu m'aider pour. Non, mais ça va pas faire avancer Schmilblick. Ce que je peux te dire, c'est que la secte est assez chelou et qu'ils t'apprennent des talents particuliers pour tuer ouais, les autres. Ouais, mais quoi. Du coup, il y en a beaucoup, donc ça m'aurait beaucoup appris de savoir comment étaient morts tes parents. Non, après, si je donne trop d'amis, ça prend, on le trouve tout de suite. Je bois des martinis. Tu bois des martinis, ouais. Je vais bientôt être une femme, d'ailleurs, pour les connaisseurs dans les films. Je vais bientôt être une femme. Mais ta mission est complètement impossible. Tu es déjà une femme. Ah non, avant j'étais un mec. Ah non, alors on parle plus du même personnage. J'étais brun, j'arrive toujours à me faire les jolies filles, d'ailleurs. T'as toujours un costard. Ouais, toujours. Avant, ouais. Tu vas être une femme. Toujours. Une belle voiture. Hein ? Une belle voiture. Ouais. Toujours fournie par un geek, d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, il faut toujours que je la rende en bon état, alors que j'arrive toujours à la péter. Tu roules pas en Maserati, toi ? Et t'as roulé en BMW Z4 juste avant qu'elle sorte. C'est bon. Donc, où tu l'as ? Mais je retrouve plus, je l'ai. Mais James Bond. Voilà. Ouais, merci, quand même. C'est arrivé sur un plateau, quoi. Oh, les loups, mais la secte. La secte, j'avoue. Mais le martini. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. Ouais. C'est ça que mais la biscotte au Nutella, ouais. Et ben, celle-là, je l'avais pas. Non, moi non plus. Non, je l'avais pas. Non, mais ça, c'est pour être raccroché au petit-déj. D'accord. Parce que sinon, alors, par contre, et l'autre pété de thune, là, on sait toujours pas. Calé sur mon personnage. Bon, est-ce que tu te fais des filles, toi? Non, puisque je suis une fille. Bah, tu peux te faire une fille hétéro, si t'es une fille. Hétéro, d'accord. Tu te fais des mecs, pas beaucoup? Bah, là, justement, j'hésite entre deux, quoi. Ah, t'hésites entre deux hommes. Ah, mais toi, tu fais partie d'une série encore. C'est pas du tout. C'est pas du tout. En plus, ces deux hommes dont je vous parle, c'est pas du tout même milieu social. C'est celle de Twilight. C'est celle qui veut se faire le loup-garou ou vampire. Mais elle est pas pétée de thunes, elle. Enfin, je sais pas. Mais si, j'en suis sûr. Non, tu fais quoi comme métier? C'est quoi ton boulot? Enfin, rien. Dans quoi tu travailles? Non, mais je suis lycéen. Je suis entrepreneuse, mais entrepreneuse de cœur. Hein, ouais. J'entreprends des relations. Et t'es pas Clara Morgan. C'est une non, parce que sinon, depuis le début. Elle est pas du tout de mon époque. Ah. Ah, t'es la reine Elisabeth. Déjà. Marie-Antoinette. On s'en approche, mais. Bah, t'es une reine. Non, t'es Kate Middleton. T'es une reine. T'es une non, reine. Non, non. Une princesse. Je suis pas une reine, mais j'ai pourtant un très très joli bijou autour du cou. La Castafiore. Qui a vraiment beaucoup fait parler de lui. Je sais plus. Bah ouais, j'aurais dit la Castafiore. Mais moi, comme elle fait pas partie de. T'es né en quelle année? Oh, dans les. Je sais plus précisément. Mina, c'est Jeanne d'Arc. Mina, elle n'a pas pété de thunes, Jeanne d'Arc. Et puis elle n'a pas hésité entre deux ans. Donne-nous une année à peu près. Ouais, oui, entre dans les... Une année qui peut nous aider, peut-être, si ce n'est pas ton année de naissance. juste avant la Première Guerre mondiale. T'es né juste avant la Première Guerre mondiale. C'est la reine Elisabeth II. Non, d'accord, la attends. La Queen. T'es, t'es une personne réelle ou t'es une personne ah, d'un oui, film? Ah oui, tout à fait réelle. Non, mais t'es encore en vie ou pas? T'es encore en vie? Non. T'es mort dans un accident? J'ai bien failli rester, justement. Mais alors, attends, mais là, t'es mort quand même, mais parce si, mais je sais. Parce que fait partie d'une télé-réalité. Mais c'est pas possible. Il est mort, enfin, il est mort. C'est fou, hein. C'est une télé-réalité. C'est est-ce que tu es Rose dans Titanic? Oui, c'est bien ça. Bravo. Ça fait un petit moment que j'y pense, mais j'étais pas sûre. Ça, j'ai bien tenu. Hein, hey, je vous rappelle qu'on a gagné tous les points là. Là, le dernier, je mets pas de points pour le dernier trouvé. Bah bravo. C'était très drôle. Je suis mort depuis longtemps donc c'est normal. Ça fait des hurlements bizarres ces trucs quand même. Hein. Donc nous allons passer à la quatrième et dernière improvisation. J'ai été bippé. Donc ça s'appelle l'histoire sans fin. Donc le principe c'est que on va commencer une histoire. Là, dans ce premier épisode, et à moi qui fais pouet-pouet, vous pouvez utiliser hein, ces bruitages pendant les impros, ça peut vous servir. Et vous allez jouer du coup des personnages que, au bout de, à la fin de l'impro, on va couper. Et au prochain épisode, les prochains invités vont reprendre vos personnages que vous aurez créés actuellement et continuer l'histoire. Un peu en mode Donjons et Dragons, quoi. C'est ça. Donc là, pour l'instant, c'est le premier épisode, donc c'est facile, il y a tout qui a créé. Les autres, ils auront la contrainte de reprendre l'histoire, je vais devoir résumer. Je prends la dague empoisonnée. J'ai pas besoin de résumer les épisodes précédents, mais je peux vous donner le thème. Le thème, c'est un peu facile pour vous. C'est une catégorie mixte, c'est la réunion des super-héros. On en a déjà eu un tout à l'heure. Et là, du coup, vous allez pouvoir inventer des super-héros. Batman. et donc le thème c'est la réunion des super-héros. Je vais voir dès que l'impro commence à durer, je couperai. Ça grince encore. Non, c'est toi. Ça c'est vraiment, ça. D'accord. C'est l'elfe. Donc est-ce que vous voulez un peu de concert, un peu de temps concert ou pas? On a dit mixte ou du coup c'est non, tout le monde, tout le monde joue là. C'est mixte. Non, ça va aller, là on est chaud là. De concert, pas forcément, mais de tout petit peu de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on va choisir. Alors, faut-il. Alors, est-ce qu'il y a un impératif? Est-ce que tu as payé des droits d'auteur pour savoir qui est le super-héros on peut. On a le droit d'utiliser parce que c'est de l'audio, je ne prends pas d'image. On peut jouer le personnage. C'est quoi un super-héros? Quelqu'un qui a des pouvoirs un peu spéciaux, qui est un peu plus surhumain. Alors, moi je vous le dis tout de suite, hein, ça ne va pas être un de la. Pop culture, ça va être un. Vous pouvez l'inventer aussi, hein. Un pouvoir. Ouais, moi j'aimerais l'inventer aussi. On va l'inventer, moi je pensais qu'il fallait de toute façon l'inventer. On invente un super pouvoir. Ouais, on invente un héros et un super pouvoir. Tout ce qui va avec. Donc, est-ce que. Et en plus, du coup, ce personnage va vivre à travers les autres épisodes. C'est vous qui avez. Il y a combien de temps à faire là-dedans? J'ai pas lancé. C'est infini. C'est l'histoire sans fin. Voilà. Alors, chers auditeurs, si vous avez 4 heures à tuer, écoutez-nous. Donc, je peux vous lancer le départ. On va dire que je vais pouvoir intervenir un petit peu dans cette impro, histoire de relancer un petit peu. Donc, je suis le directeur d'une agence de super-héros, un peu à la Nick Fury. Et j'ai fait appel à vous et pour que vous vous présentiez. C'est une sorte d'entretien d'embauche pour faire partie de cette corporation. Et puis après, vous aurez peut-être des missions, on verra dans les épisodes suivants. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de mission à proprement dire. Non, tout à fait. C'est juste la première réunion. Vous êtes prêts? On peut attaquer? Vous avez réfléchi à peu près? Un petit peu. Et donc bonjour, si j'ai fait appel à vous, mes chers, c'est car je veux créer une équipe de super-héros pour protéger la Terre. Mais avant tout, je veux tester vos capacités, donc vous allez avant tout vous présenter. À qui ai-je l'honneur? Oui, bonjour. Donc, d'abord, je voudrais vous dire que je suis ravi de participer à cette équipe. Je peux vous dire que vous êtes les quatre meilleurs. En tout cas, j'ai reçu votre CV. Ouais. Et c'est pour ça que je fais appel à vous. Après, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner, mais on ne sait jamais. Présentez-vous. Vous pouvez réagir, les autres, il n'y a pas de problème. Alors moi, je m'appelle Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. Jean, en fait, je tiens à préciser tout de suite, ça ne s'écrit pas comme le prénom Jean. Hein, voilà. Ça s'écrit Jean comme les gens. D'accord. Parce que justement, c'est lié à mon super pouvoir. Je ne sais pas si je dois le dévoiler tout de suite. Bah, parce que je risquerais de... Une démo de... une démo, pardon. Waouh. Eh bien, je perçois la pensée des gens. D'accord. Mais que dans certains moments, quand ils ont des mauvaises intentions. Et je vous sens plein de bonnes intentions, puisque pour l'instant, je ne peux pas lire vos pensées. Bon, c'est très bien. Alors. Monsieur ? Madame, je sais pas. Dis-toi que tu seras peut-être pas toi la prochaine fois. Ça fait 2 heures qu'on est en face et tu n'as pas encore pigé. Quoi. Donc, monsieur. Monsieur. Je sais bien, comme ça. Bonjour et merci de m'accueillir ce soir. Je suis ravi de pouvoir vous aider, déjà. Donc moi, mon super pouvoir, donc assez classique, hein, je suis déclaustrophobisateur. Donc je soigne les gens en crise de claustrophobie en détruisant les bâtiments dans lesquels ils sont enfermés. Ah. Avec une super force ou vous faites quoi? Vous faites exploser les bâtiments? Comment vous faites? Oui, oui, bah c'est avec les bras, les jambes, tous les ustensiles qui passent, hop, et donc dès que je sens que quelqu'un est en crise de claustrophobie, j'interviens immédiatement afin de lui permettre d'évacuer ce sentiment d'oppression en détruisant de manière définitive et totale tout l'environnement autour de lui. Et vous pouvez nous faire une petite démo, là, par exemple? Trop dangereux. Je voudrais pas faire de mal aux gerbilles. Non, mais par exemple, là, ce... cette porte-fenêtre, peut-être vous pourrez aérer, il fait un peu chaud. Vous pouvez, c'est peut-être... vrai qu'il fait un peu chaud. Bah, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui souffre de claustrophobie. D'accord. Ah oui, parce que sinon ça marche pas. Vous avez non, ça sert à rien. Non, puis c'est payant quoi. Donc, faut pas non plus foutre de ma gueule. Quoi. Alors, un serveur de Jean sort de Jean, il a détecté des bonnes intentions. Hein. Il paye... Nous avons le déclaustrophobe qui fait payer ses victimes. Après les avoir sauvés. Bah, sinon, je les renterre. Et monsieur, madame? Ah, alors moi j'ai une faculté assez spéciale qui est très utile. C'est que j'arrive à me téléporter dans les corps des autres. Du coup, ils explosent? Comment ça se passe? Non, c'est juste que je change mon esprit. En fait, je transvase mon esprit dans le corps d'un autre. D'accord, ok. Le seul problème, c'est que quand je le fais, j'y évacue tous les gaz. Du corps en question. Du coup, généralement, ça peut varier, soit P, soit soit vomissement. Ça peut aller même jusqu'au vomissement. Et que devient l'esprit de la personne dans laquelle vous êtes? Bah, en fait, on échange. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est, et elle c'est aussi, du coup, pratique. Elle pète de son côté. Mais du coup, je l'ai fait souvent, justement, pour voir mes orientations sexuelles, ce que je préfère. même pendant l'acte. Et là, est-ce que vous êtes dans votre vrai corps ou c'est un corps que vous avez emprunté à une personne? En fait, j'ai plus de 1000 ans. C'est pas votre corps, vous avez piqué. Voilà, généralement, en fait, ce que je fais, c'est que j'adore être dans les hôpitaux où la gériatrie est pas loin de. De la naissance, comme ça au moins en fait, ils ont pas le temps de se rendre compte. Et là, monsieur Jean-Jean, vous sentez rien? Vous sentez rien? Bon. Tu veux péter toi aussi? Donc, j'ai plus de 1000 ans et c'est assez cool. Ça peut être un pouvoir très utile, franchement, je trouve. Ouais, et puis même pour déconcentrer l'adversaire. Heureusement que je suis gentil, on va dire, dans le fond. Dans le fond, c'est le cas de dire. Faut aller au plus profond de moi. Pour... Et enfin. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Alice. Bonjour Alice. Je suis un peu impressionnée d'être ici. C'est monsieur ? Non, c'est mademoiselle. J'ai 15 ans. Je sais pas, évident pour lui. Je sors très très peu, faut dire. Je ne vois que c'est des personnes non genrées. Vous excusez, monsieur. C'est Spock. 15 ans et vous êtes déjà fait pénétrer par... Non, bien sûr que non. Ça dépend, on peut vite le savoir. As-tu déjà pété dans ta vie? Oui. Donc j'ai dû passer par là, effectivement. Monsieur, vous êtes sûr que vous avez réuni des super-héros, là? Parce que c'est, la c'est personne à côté de moi me fait meilleurs. Un petit peu peur. Désolé. C'est les seuls que j'ai trouvés. Le combo de tout le monde peut faire des trucs. Et donc, du coup, quel est votre super donc, pouvoir? Donc, Alice, 15 ans, c'est quoi ton super pouvoir? Et ben, en fait, je peux créer des choses par la pensée. D'accord. Si je me concentre très fort, je peux créer quelque chose, et même des choses vivantes. Sauf que j'ai eu quelques complications quand j'étais plus petite. On m'envoyait dans un hôpital pour contrôler ça, parce que quand je dormais et que je faisais des cauchemars, ça devenait réel. Ah, et... ouais. Mais maintenant, je suis capable de canaliser la chose et de créer quelque chose sur demande. D'accord. Bah heureusement qu'on a un déclaustrophobe. Et tu fais une thérapie pour ça? Ben, plus ou moins, ils m'ont fait des choses. Et... Je suis contente d'être partie. Une personne très bien m'a sortie de là-bas. C'était moi. Tu l'avais détecté. J'y veille. J'en vous ai à l'œil. Alors, du coup, si j'ai fait appel à vous, c'est que nous avons détecté des anomalies dans nos radars. Et que nous avons besoin de protecteurs pour notre état, l'état des États-Unis, bien sûr, qui sont les numéro un de partout. Est-ce que vous êtes d'accord pour participer à cette opération? J'ai nommé l'équipe de choc. Bah moi, je peux déjà vous dire, j'ai un petit problème, je suis électrosensible, et vous parliez des radars, là, ça fait trop d'ondes, et j'ai peur que cette zone d'intervention ne puisse me convenir pour l'instant. Si tu veux, on échangera nos corps. Ou alors, si tu veux, j'ai des propositions. On échange nos corps, comme ça, moi, comme je suis pas électrosensible, ouais. Tu récupères okay. mon corps. Ouais. Et bah. Du coup, tu gardes tes facultés, et puis après, moi, j'en piochais. Ok, ça marche. Au hasard. Ça marche. Allez-y, essayez peut-être d'échanger vos corps là en direct. Là. Allez, vas-y, viens en moi. Oh my god. Ça pète dans tous les sens. Ah, je me suis jamais senti aussi musclé. Ah, c'est génial. Ça fait un drôle de bruit par contre. Je me sens tout arc-bouté là. Oui, le dernier cours que j'avais était un bodybuilder sans cerveau. Bon, et bon donc, là vous êtes plus électro-sensible par contre. Non, mais moi, c'est pour ça que je vais aller au marché du coin, là, il est bientôt l'heure, pour aller changer de corps. D'accord. Mais du coup, je comprends plus quel pouvoir qui a quoi. Est-ce que vous avez échangé vos pouvoirs, vous avez changé alors, de quand corps. On qui est à ma gauche, qui est à ma droite, bordel. Ah, moi, c'est toujours Jean. Hein. Dans le corps, dans un autre corps. Dans mon ancien corps. Je crois qu'on va mettre des étiquettes. ça sera plus simple. On va faire le devine-tête. Hein. On va mettre un post-it sur vos têtes. Mais des fois, il peut m'arriver que je change de voix aussi, quand je change. Oui, c'est vrai. Oh, oui, qu'est-ce qui m'arrive? Oh. C'est vrai que là, c'est pas... On va y aller, hein. Ouais, je crois qu'on va y aller. Alors, attendez. Je vais aller déclaustrophober quelques personnes et je reviens. Est-ce que vous êtes d'accord que je fasse appel à vous quand il y aura besoin? Moi, j'ai juste une question. Est-ce que Alice fait toujours des cauchemars? Parce que si elle en fait encore, qu'elle fait apparaître des monstres, moi, je suis pas pour, hein. Non, mais je contrôle maintenant. Moi, je suis partante à condition que je suis plus loin possible de cette personne qui échange ses corps. Il me fait peur. Mais je suis partante. Je veux aider les autres. Non, mais en vrai, on devrait essayer. Tu vas voir, c'est un peu... Non, merci. Tu veux quoi comme corps? Parce que moi, je vais aller faire mon marché. Non, mais écoutez, le mien me va très bien. Merci. Non. 90B, ça t'intéresse ou pas? Merci beaucoup, il suffit juste on de signer. On peut choisir pour elle. Comme ça, tu nous la ramènes et tu nous la changes. Bon, je suis pas sûre que je vais rester finalement. Ce projet me plaît, mais ces gens font peur. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que vos parents sont d'accord? J'en ai pas. En plus, elle a pas de parents. C'est qui votre tuteur? Ah, mais c'est moi. C'est moi votre tuteur légal, je crois, en fait. C'était moi son tuteur légal. Du coup, j'avais totalement zappé. Désolé, Alice. Mais du coup, Alice, non, mais il va falloir que tu participes. En même temps, c'est vrai hein. que je vous appelle encore des fois, monsieur, je devrais pas. Oui. Par contre, moi, juste une question. C'est ok, vous nous avez recrutés, mais comment? Comment vous m'avez retrouvé? Alors, Ou les autres aussi. Vous savez pas qu'il y a un pôle emploi des super-héros? Vous avez... Moi, je voulais les attaquer parce que moi, je me suis jamais mis là-dedans. Hein. Ben, il y a votre CV, puis ça a matché sur Pôle emploi. C'est pour ça que vous êtes... Est-ce que vous pouvez voir votre annonce? Mais il a quel corps dans son annonce pour l'emploi? Eh ben, faut dire qu'il est très difficile à trouver. Il y a une dizaine de photos sur l'annonce. Je choisissais. En tout cas, merci. Donc, il suffit juste de vous signer sur ce formulaire-là. À partir de ce moment-là, je vous appellerai dès qu'il y a une urgence. Vas-y, passe. Voilà. Vous faites un numéro de téléphone aussi, je présume, ou vous l'avez... Pendant que vous aviez le dos tourné, je vous ai mis un beeper sous votre peau. Et du coup, qui va s'illuminer en cas d'urgence. Sous votre peau, c'est vachement utile pour mon nom. C'est vrai que c'est pas pratique. Oui, c'est je sais pas de vous retrouver. Alors. Il faut l'allumer avant. Ah oui, ça fait mal ce beeper. En tout cas, merci beaucoup. Donc, bah, bravo pour cette impro. Quand même. Ils ont pas signé les deux derniers. Bon pour accord pour devenir sous-fifre. À toi. Merci, Alice, tu sais écrire? Merci. 15 ans. J'ai 15 ans quand même. Moi, je savais pas écrire à 15 ans. Ah. Je savais que démolir à 15 ans. On peut pas tout apprendre. Et bah, ça fait une belle équipe de bras cassés. Merci beaucoup. Bravo déjà pour cette impro. Franchement, c'est une bonne histoire qui a été lancée. Des super pouvoirs là, qui vont pouvoir continuer et perdurer. Et on va faire le point sur les mots que vous aviez à placer. Ah, j'ai oublié. Moi, je l'ai placé, moi. Alors, quel mot vous aviez à placer? Moi, j'avais, je sais même plus, je l'ai complètement oublié, je suis désolée, mais j'avais pyramide en plus, c'était alors, placé. Alors, pyramide n'a pas été placé. Non, j'ai oublié. Fabrice. Moi, c'était hurlement. Hurlement? Je m'en rappelle pas. Hein. Ouais, rappelle non, pas. C'est quand tu jouais avec ton petit canard. On aura qu'à remettre le rétro, là. Alors, est-ce que tu peux me montrer un canard sur cette table? Non, mais c'est le truc noir, là. Ça? Okay. Ça? Automaton? C'est un automaton. Ouais, c'est quand tu joues avec ton... Ça fait un peu louche à soupe. Moi, je dis que ça... C'est clair, carrément. Je t'ai dit que ça faisait de drôles de hurlements. D'accord, donc tu as réussi à placer le mot. Enfin, tu avais quel mot? T'as vu, ça en fait toujours des drôles de hurlements. Claustrophobie. Ah, oui, ah. Bah, tu l'as placé là, ça ne fait aucun doute, bravo. Alors lui, il a dit des claustrophobies, hein. Ah ouais. Non, je soigne les gens qui font des crises deux, de claustrophobie. Ouais, bravo, bravo. Et alors, enfin, une chose à ajouter. Aspirine, ça a marché, je crois. Ouais, il a été placé. Ouais. Mais il y a que moi qui ai oublié en fait. Mais moi, c'est pas que j'y suis pas arrivée, c'est que je l'ai complètement oublié. J'étais trop stressée, moi j'ai complètement oublié mon nom. Alors, vous savez que c'est très intéressant parce que nous sommes à 3,5 partout, parce que j'ai mis des demi-points comme un con. Du coup, il y a une égalité parfaite. Donc il n'y a pas de gagnant, les deux équipes sont à égalité, donc bravo, vous avez bien défendu votre équipe, c'était un très beau match, bravo. Big up à Beaujeu Saint-Vallier. Et à Rochefort en terre. On n'est pas encore sous terre. Mais, mais alors, du coup, les prochaines équipes vont être aussi... vont partir sur les mêmes super-héros, il y aura peut-être des nouveaux personnages. Non, mais au niveau des villes. Ah, ça sera des nouvelles villes. Il y en a plein d'autres dans le chapeau. Donc on peut peut-être vous retrouver à un prochain épisode de Improlix, du coup. Oui. Si ça vous dit, si ça vous a pas déplu. Non, pas trop. Uniquement si je reprends mon personnage dessus. Ouais, j'ai bien aimé la partie inventer une histoire à la fin, c'était bien. Alors du coup, je vais remercier Frédéric pour l'idée du nom et aussi Astérix et le Devin, parce que du coup c'est... Prolix, ça vient de Astérix et le Devin. Enfin, c'est un mot d'abord, mais voilà. Merci aussi. Il n'y a que toi qui as compris. Hein. Non. Prolix, en fait, c'est un médicament. Mais non, pas du tout. Prolix, c'est le nom du devin dans Astérix et le Devin. Et c'est quoi le rapport avec l'impro? Eh bien, parce que. Être prolix, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est très verbeux. Voilà, très verbeux. D'accord, dans ce sens-là. Donc, un prolix, c'est un jeu de mots. Ah. C'est fou, hein. Voilà. Merci, le Frédéric. Même Astérix qui a 60 ans cette année. Oui, c'est ça. Il a 60 ans. Il n'a pas plus. Non, pas plus. 60 et demi. Ça va. Merci à vous, les invités. Vous avez été géniaux. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, et puis sur YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux avec mon Instagram, Fabien Robert, tout attaché. Un très bientôt pour un prochain épisode de Improlix. Et puis, du coup, on dit bye bye. Merci, bye bye. Et puis bye bonjour. Bye. Ciao. Alors, allez, ciao.